Dès le premier jour, dès que je vous vis, je vous ai haï. Je vous détesterai toujours, mon horreur, mon aborée. À jamais je vous